m'assois les soirs d'errance sur ce banc où l'on a grandi. Si le décor semble à changer comme si naguère c'était la veille. Lentement le temps œuvre et le casting a pris la bouteille. En ce temps-là, le coup d'éclat des framboises avait la saveur. Et ceux qui les ont plantés là n'en ont jamais vu la couleur. Sur nos montures affistolées, nos pieds touchés à peine le sol. On s'abreuvait de liberté à l'heure de nos sorties d'école. Chasse au trésor pour le sang gallica des filles et pour le mystère de leur corps. Souvenir, fort de reste de nos années tendres.